Mardi dernier, la Cour d'appel de La Haye a confirmé un jugement rendu en première instance en 2015 contre l'État néerlandais et le condamnant à accentuer sa lutte contre le réchauffement climatique en réduisant de 25% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2020 par rapport à leur niveau de 1990. Cette décision est un nouveau coin enfoncé dans la résistance internationale à l'instauration d'une justice climatique universelle qui pourrait non seulement lutter contre la criminalité environnementale, mais aussi, pourquoi pas, contraindre les États souverains à augmenter leurs efforts pour préserver l'environnement avec à terme cette question, faut-il créer un crime d'écocide ? Justice climatique, la nature peut-elle reprendre ses droits ? C'est l'épineux problème dont nous allons nous saisir dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Et pour examiner ce problème donc qui pose, vous allez l'entendre, un nombre important de questions complexes tant en matière juridique qu'en matière géopolitique et bien sûr environnementale, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Martha Toré-Schaub. Bonjour. Bonjour. Vous êtes juriste, directrice de recherche CNRS à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques à l'Université Paris 1 et directrice du réseau Droit et Climat. Et Henri Weissmann, bonjour. Bonjour. Vous êtes chercheur au sein du programme Climat de l'IDRI, c'est l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, et co-auteur du rapport du GIEC qui a été rendu il y a 10 jours maintenant. Vous pouvez suivre cette émission comme tous les jours en direct sur les ondes de France Culture, en différé, en podcast, en réécoute sur franceculture.fr et en parallèle via notre fil Twitter @laméthodefc. Alors, peut-être pour commencer, à propos justement de ce rapport du GIEC, il a été rendu le 8 octobre, Henri Weissmann, et il se veut peut-être un peu plus alarmiste. Le ton a changé par rapport au rapport précédent ? Ce rapport, il est né au moment de la COP21. Et c'est un élément important de contexte, puisqu'il vise à informer cet objectif donc, de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré, qui a été introduit dans le cadre de l'accord de Paris, et sur lequel, au moment où il a été introduit, l'état des connaissances scientifiques était extrêmement limité. Donc c'est l'objet de ce travail qui a été fait par le GIEC de donner une incitation à la production de littérature scientifique et de connaissances autour de ce sujet-là, et d'en faire la synthèse. Et de fait, cet objectif-là est plus ambitieux que les objectifs qui avaient été considérés jusqu'à maintenant, qui tournaient plutôt autour de l'objectif de 2 degrés depuis l'accord de Copenhague notamment. Et donc, de fait, il pointe les défis qui se posent pour atteindre un objectif aussi ambitieux. Mais il pointe aussi les bénéfices très importants et la motivation essentielle d'aller considérer un objectif aussi ambitieux que celui du 1,5 degré, qui est celui de l'ensemble des effets, des impacts négatifs du changement climatique qui sont évités, avec notamment une analyse extrêmement détaillée des différences entre un objectif déjà ambitieux d'aller à 2 degrés et un objectif encore plus ambitieux d'aller à 1,5, et d'être capable de comprendre pourquoi finalement on essaierait d'aller vers cet objectif encore plus ambitieux. Une des réponses de façon générale, c'est tout simplement que un objectif à 1,5 degré par rapport à un objectif à 2 degrés permet de préserver beaucoup plus les possibilités de réduire les inégalités et de réduire la pauvreté de façon massive à l'échelle mondiale. Et du coup, ça justifie de se poser la question de comment mettre en place cette transformation à de grandes échelles qui est nécessaire pour atteindre cet objectif-là et donc mieux atteindre ces objectifs liés notamment à la réduction de la pauvreté et des inégalités. La littérature scientifique autour de ce réchauffement climatique, qu'elle soit descriptive ou projective, elle est tout de même de plus en plus abondante. Aujourd'hui, Henri Weissmann, on connaît de mieux en mieux les mécaniques qui sont à l'œuvre. Est-ce qu'elle est nécessaire aujourd'hui ? Est-ce qu'il est nécessaire aujourd'hui pour le groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat, qui, je le rappelle, dépend de l'ONU et a obtenu le prix Nobel de la paix en 2007, est-ce qu'il est nécessaire de commencer à hausser le ton, c'est-à-dire de ne plus être juste dans le descriptif, mais d'être effectivement dans quelque chose d'un peu plus alarmiste ? L'état de la littérature scientifique vise à informer les prises de décision. Donc c'est un travail de scientifique qui ne se substitue pas aux décideurs, mais qui vise à informer au mieux leurs prises de décision. Une des conclusions univoques de ce rapport-là, c'est que les contributions nationales, c'est-à-dire les engagements qu'ont pris les États et qu'ils ont soumis au moment de l'accord de Paris, quasiment l'ensemble des États de la planète ont pris ces engagements-là, ce qui est un résultat important en soi. Mais la conclusion du rapport du GIEC, c'est que ces engagements sont fortement insuffisants pour nous mettre sur une trajectoire qui nous amène vers un objectif aussi ambitieux que cet objectif de 1,5 degré. Donc en ce sens, si on veut continuer à se donner la chance d'aller vers un tel objectif, il s'agit effectivement de bâtir les conditions pour que les États, les différents États autour de la planète, augmentent l'ambition de leur contribution pour réduire fortement leurs émissions d'ici 2030 et ainsi créer les possibilités pour aller vers les objectifs extrêmement ambitieux dont on pourra certainement reparler par la suite, tels que ceux de la neutralité carbone au milieu du siècle, qui est aussi une des conclusions du rapport. Si on veut aller vers 1,5 degré, très simplement, il faut aller vers cet objectif, donc ne plus émettre à l'horizon 2050 plus d'émissions que ce qu'on sera capable de capter, de séquestrer naturellement. Un mot peut-être, Martha Torres-Schaub, sur ces accords de Paris, dont on sait que le président Donald Trump s'est retiré, en tout cas qu'il souhaite renégocier. Aujourd'hui, ces accords, ils ne présentent aucune forme de contrainte pour aucun État. Ce sont vraiment juste des déclarations de bonnes intentions, en quelque sorte, sur le plan juridique. Alors, pour revenir donc à l'accord de Paris, on a beaucoup discuté sur sa nature, si c'était un accord obligatoire, s'il posait des obligations juridiques de droit dur, ou s'il restait à une déclaration plutôt de la relevant de la soft law. Donc le droit mou, hein, pour être on va dire encore, voilà. Alors, la première réponse serait oui, effectivement, ça relève de la volonté des États. Il y a une deuxième interprétation qui, j'espère, sera celle qui sera suivie maintenant. Après ce rapport quand même du GIEC extrêmement important et alarmiste qui avait été effectivement demandé dans le cadre de l'accord de Paris, dont les scientifiques ont pris vraiment l'engagement dès 2016 pour le rendre maintenant en 2018, eh bien cette deuxième interprétation serait que dans l'accord de Paris, on peut quand même trouver des obligations juridiques dans ce sens que tous les 5 ans, on doit revoir les objectifs. Tous les 5 ans, on doit faire des inventaires. Chaque État doit rendre les inventaires. On a établi l'article 8 sur les pertes et dommages, même si il est un petit peu nuancé après à l'article 51, en disant qu'on ne pourra pas faire des actions en justice sur ces pertes et dommages, mais il peut y avoir d'autres types d'actions en justice fondées justement sur d'autres principes quand même qui sont posés dans l'accord de Paris. Donc la perspective d'une obligation juridique sur ce fondement à la base volontaire, et moi je ne perds pas espoir et je pense que c'est dans ce sens-là qu'on va aller maintenant, surtout en nous appuyant sur ce dernier rapport du GIEC. Henri Weissmann. Ce qui est intéressant pour aller dans votre sens, c'est que c'est écrit explicitement dans l'accord de Paris que donc cette révision des contributions nationales, donc ce qui a été soumis en 2015, c'est pas la fin de l'histoire, c'est une première étape. Mmh. Et tout le monde se réjouissait que finalement tous les pays aient joué le jeu de faire cette première étape, même s'il a été clair dès le début que c'était insuffisant. Mais dans l'accord de Paris, il est écrit que les États s'engagent à réviser ces contributions et qu'ils s'engagent à le faire en fonction de la meilleure science disponible. Absolument. Et c'est là que le rapport du GIEC joue un rôle fondamental puisqu'il vient mettre en évidence un certain nombre de faits qui doivent, d'après l'accord de Paris, être pris en considération par les États. Après, la façon dont ils sont pris en considération reste à l'interprétation des États, mais c'est prévu dans l'accord de Paris que le progrès sur la connaissance scientifique doit nourrir la révision des contributions nationales. Tout à fait. Et si je puisse permettre, comme complément, la décision Urgenda 2 dont vous avez parlé, donc la décision en appel de la première instance qui avait eu lieu le 24 juin 2015 aux Pays-Bas, eh bien, les juges d'appel ont donc non seulement confirmé que l'agissement de l'État néerlandais est illégal s'il reste au niveau des réductions qui étaient le sien, donc il doit augmenter cette réduction pour arriver à 25% en 2030 et à 95% en 2050, donc c'est pas mal. Et ils ont également dit que rester à 1,5 degré, c'est dangereux et que c'est irresponsable. Et que l'obligation de l'État néerlandais, c'est de ne plus rester à 2 degrés, mais de rester à 1,5 en suivant ce rapport du GIEC, justement. Donc, c'est très intéressant. C'est important parce qu'effectivement, on voit que le rapport du GIEC sert de base documentaire juridique pour fonder des décisions de justice, comme celle que vous venez d'évoquer. Je le rappelle, pour les auditeurs qui viennent de nous rejoindre, Martha Torre-Chaube, c'est une décision de justice qui a été rendue la semaine dernière par la Cour d'appel de La Haye suite à une action en justice de la Fondation Urgenda contre l'État néerlandais pour engager finalement l'État néerlandais, pour le condamner à augmenter ses efforts dans la lutte contre le réchauffement climatique, c'est-à-dire d'aller plus loin que ce que le plan gouvernemental avait prévu au départ. Absolument. Et d'ailleurs, la Cour de La Haye n'hésite pas à dire qu'un engagement comme il a été prévu au départ des 23% d'ici 2020, c'est totalement insuffisant. Et que d'ici 2020, 25%, ce serait pas mal. Mais aller à 40%, ça serait encore mieux. Et ils sont trouvés ce juste milieu entre 25 et 28%. C'est très intéressant de voir les juges parler quand même des chiffres, des diminutions des CO2. C'est un phénomène assez nouveau. Henri Weissmann. Je pense à travers cet exemple-là du débat 25%, 28%, 40%, on touche du doigt la difficulté aussi du sujet. Parce que ce que va produire comme analyse un rapport tel que celui du GIEC qui synthétise la recherche scientifique, ce ne sont pas des évaluations de ce que devraient faire les Pays-Bas ou de ce que devrait faire la France ou n'importe quel autre État. Ce sont des évaluations à un niveau global, général, qui essayent de pointer l'ensemble des défis qui doivent être menés. Donc on est capable de parler, par exemple, de la trajectoire d'émissions de gaz à effet de serre à l'horizon 2030, à l'horizon 2050, à une échelle globale, on est capable de dire, une des conclusions du rapport, si on veut aller vers un objectif à 1,5 degré, il faut réduire de 45% à l'échelle globale à l'horizon 2030 par rapport au niveau de 2010. Toute la question, et c'est là que finalement il y a encore beaucoup de précisions à apporter sur comment la justice peut se saisir de ce type de questionnement-là, c'est comment ces objectifs-là, globaux, se traduisent dans les responsabilités des pays qui sont au final les parties à la signature d'un accord tel que l'accord de Paris, ce sont bien les gouvernements qui signent cet accord-là, c'est eux qui s'y engagent. Comment est-ce qu'on fait pour traduire des engagements globaux en engagement national? Parce que évidemment, on est tous bien conscients que tous les pays sont très différents, de par leur situation, de par leur état de développement, de par leur potentiel, de par les défis, de par tout un ensemble de caractéristiques, et que se contenter de prendre un chiffre global et l'appliquer de façon complètement proportionnelle en disant que tous les pays devraient suivre la même trajectoire, ce serait complètement irréaliste et non pertinent. Et c'est d'ailleurs pas du tout ce que prévoit l'accord de Paris. Et donc il y a tout un enjeu de caractériser comment un objectif global tel qu'il peut être caractérisé par la science se traduit pour des pays. Mais Henri Weissmann, la question, c'est tout de même évidemment, j'imagine, très présent dans l'esprit des membres du GIEC au moment de la rédaction de ce rapport, que ce rapport va servir de base juridique pour un certain nombre de décisions, puisqu'on a parlé de ce qui vient de se passer dans l'État néerlandais, mais ces actions juridiques, elles ont tendance plutôt à se multiplier au niveau national, dans un certain nombre d'États, y compris aux États-Unis d'ailleurs, puisqu'il y a une action, un procès Juliana versus US, alors qui est en train d'être retardé, mais qui devrait avoir lieu prochainement. Vous avez conscience de servir quand même ça de structure pour fonder des décisions de justice. L'objectif d'un travail tel que celui du GIEC, c'est de mettre à disposition de tout le monde les États. C'est encore une fois, la commande initiale était celle des États. Et donc, on ne travaille pas contre les États, on travaille plutôt à essayer de nourrir la réflexion. Mais par contre, évidemment que cette analyse-là a vocation à être mobilisée par qui la juge pertinente, et l'accord de Paris crée finalement cette possibilité aussi à tout le monde de regarder si les États font des choses cohérentes par rapport à leurs objectifs. Mais notre objectif principal, c'est d'informer pour améliorer les prises de décision et assurer que l'information est disponible, parce que c'était ça le message qui avait été envoyé par les gouvernements. C'était de dire, on a bien compris que l'objectif de 1,5 degré, ça change beaucoup de choses, donc on s'y engage, mais on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Donc donnez-nous des informations. Donc maintenant, l'objectif primaire de ce rapport-là, c'était de fournir cette information pour permettre de nourrir une révision des contributions des États et ensuite à eux de s'en saisir. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h15 sur France Culture, nous parlons de justice climatique et on va aborder, on va arriver au cours de cette heure à se poser la question de savoir s'il faut aujourd'hui pouvoir donner le pouvoir justement à une juridiction internationale de définir un crime que l'on pourrait qualifier d'éco-crime ou d'écocide. On va parler de tout cela avec nos deux invités, Martha Torre-Chaube qui est juriste et Henri Weissmann qui est chercheur au sein du programme climat de l'IDRI et co-responsable, co-auteur du rapport, du récent rapport du GIEC. Alors, quand on parle de justice climatique, les citoyens français qui ont un peu plus de 30 ans, voire la quarantaine, allez, ont un souvenir assez marquant à ce propos, celui d'une victoire judiciaire contre un géant pollueur. C'était le procès de la Moco Cadiz, ce supertanker qui s'est échoué au large de la Bretagne en 1978, qui a créé la plus grosse marée noire qu'a connue l'Europe à ce jour, et près de 15 ans après les faits. Et c'est la justice américaine qui s'est prononcée. Écoutez cette archive du journal de FR3, nous sommes en janvier 1992. Bonsoir. Les Bretons voulaient un procès exemplaire. Ils l'ont gagné. La puissante compagnie pétrolière américaine, responsable de la catastrophe de la Moco Cadiz, accepte de verser tous les dédommagements prévus aux communes sinistrées et à l'État. Une consolation qu'il aura fallu attendre pendant 14 ans. Isabelle Thomas. Après 14 ans de procès, les Bretons sont aujourd'hui partagés entre scepticisme et une satisfaction discrète. La victoire contre la compagnie pétrolière garde en effet un goût amer. Les promesses pour les ostréiculteurs comme pour toutes les victimes de la marée noire, c'est un juste retour des dommages occasionnés par les 220 000 tonnes de pétrole déversées sur les côtes bretonnes en 1978. Un juste retour que les Bretons auront quand même attendu 14 ans. À ce jour, les sommes dues sont évaluées à 220 millions de francs aux Bretons et 1,5 milliard à l'État français. Somme que relativisent encore les 130 millions de francs engagés par les collectivités bretonnes pour le procès. Il s'agit maintenant de répartir ces indemnisations et donc de tenter d'évaluer les préjudices. Pourquoi est-ce qu'elle est importante dans l'histoire de la justice environnementale, Martha Torre-Chaube, cette décision de la justice américaine contre la société Shell, qui était l'exploitant de la Moco Cadiz? Eh bien, elle est importante parce que c'est quand même un des premiers cas dans lesquels on reconnaît les dommages transnationaux environnementaux. Mais ce n'est pas tout à fait le premier, puisqu'il y a une première sentence arbitrale qui est la dénommée sentence du tribunal d'arbitrage international, la sentence Trail, qui avait déjà reconnu la responsabilité du gouvernement américain envers un dommage des pollutions vers le Canada, à partir d'une raffinerie, la raffinerie de Trail, qui avait donc posé des problèmes, des pollutions générées au niveau transnational. Donc la Moco Cadiz, c'est très symbolique, parce qu'en plus la France était impliquée aussi, du coup on le connaît mieux, mais il y en a d'autres. Et puis il y a aussi tous les problèmes Seveso qu'il y a eu en Italie et qui ont donné lieu ensuite à une directive européenne sur les installations classées. Et puis il y a eu aussi l'affaire de l'Erika en France un peu plus récemment, mais qui est quand même aussi un grand classique désormais, puisque c'est grâce à cette série de décisions, puisqu'il y en a eu à peu près une vingtaine entre administratives, civiles, pénales et cours européennes, où à partir de là, on a quand même créé le préjudice écologique pur qui apparaît maintenant dans notre code civil par rapport à la responsabilité environnementale extracontractuelle et par rapport à la question du fait qu'il peut exister un préjudice contre l'environnement, un préjudice écologique pur contre l'environnement lui-même, la nature elle-même, sans passer par des dommages faits à l'homme. Et donc, il y a toute une évolution, en fait, depuis cette affaire à Moco Cadiz, avec des rebondissements et des enrichissements qui sont vraiment intéressants. Là, on voit bien que, par rapport à la première partie de notre discussion, où on parle de la responsabilité des États dans le réchauffement climatique, là, on parle d'un accident lié à un pétrolier, quand, en fait, quand on parle de justice environnementale, on couvre tout de même un spectre qui est très, très vaste d'atteinte à l'environnement, Henri Weissmann, et qu'il y a là peut-être aussi un problème de définition de ce qu'est aujourd'hui une atteinte à l'environnement. Le problème du changement climatique, d'une certaine façon, il va poser des défis supplémentaires par rapport à cette base qui existe déjà, du fait de la nature même de la pollution dont on parle. Finalement, tracer une molécule de pétrole qui sort d'un supertanker et qui va s'échouer sur une plage, d'une certaine façon, c'est assez facile. On peut attribuer la responsabilité de la pollution sur la plage directement au supertanker. Pour le changement climatique, c'est une problématique qui est fondamentalement différente, qui rend ce débat plus complexe et qui demande justement, quand on se saisit de cette question-là, sur la question climat, de s'appuyer sur ce qui existe déjà, mais d'essayer de voir comment le traduire sur ce contexte-là, puisque le changement climatique, c'est un phénomène global. Une molécule de pollution émise ici à Paris va avoir un effet sur le réchauffement global qui va affecter potentiellement l'ensemble de la planète et des zones très vulnérables qui sont très très loin de nous. C'est un phénomène de long terme. La molécule qui est émise aujourd'hui, elle va jouer surtout du fait qu'elle va aller s'accumuler dans l'atmosphère et avoir des effets cumulatifs qui vont prendre du temps avant de se manifester. Et on a en plus un problème d'attribution. Comment est-ce qu'on peut attribuer explicitement un événement donné au changement climatique ? C'est un débat interminable dans la communauté scientifique. Et de fait, ce qu'on est capable de dire, c'est que le changement climatique va avoir tendance à augmenter la fréquence de certains impacts, à augmenter leur gravité, mais on ne pourra jamais dire cet événement-là n'aurait pas existé si on n'avait pas fait ci ou ça. Et quand on parle justement de justice et d'aspect juridique de cette question-là, c'est un défi particulier qui demande, tout en s'appuyant sur ce qui existe déjà, de construire et de construire des approches pertinentes au vu de la spécificité de cette pollution climatique. C'est assez passionnant, Martha de Réchaud, parce qu'effectivement, on voit qu'il y a tout à définir. Il y a à définir évidemment un statut juridique de la nature, mais aussi de savoir qui est la victime, qui est le responsable. Tout ça devient passe d'une échelle très très simple quand on est sur des cas d'accidents Céveso ou de pollution, mais ça devient très très complexe quand on dit que par exemple un État donne le droit à une entreprise d'aller exploiter des sables bitumineux, qui est responsable? Est-ce que c'est l'entreprise qui exploite des sables bitumineux? Est-ce que c'est l'État? Enfin, tout ça est effectivement très complexe à définir. Alors, en fait, pour rebondir sur ce que Henri Weichmann a dit tout à l'heure, et pour dans la continuité de votre question, par rapport au changement climatique, c'est vrai que c'est un peu la même problématique dans les pollutions diffuses. Et il y a eu toute une construction juridique qui a été faite pour pouvoir justement responsabiliser quelqu'un pour des pollutions diffuses. Par rapport à la question du temps qui est également une des difficultés dans la justiciabilité du climat, on a eu aussi également des évolutions, par exemple dans les affaires sur l'amiante, par exemple, où il y avait un temps de latence très important entre le moment où la personne avait été en contact avec l'amiante et le moment où la maladie, le cancer, etc. s'est déclenché. Et ça aussi, la justice a réussi quand même à d'une certaine manière, à trouver des liens, des présomptions, des causalités, comme on dit dans le langage du droit. Et par rapport à la question de l'attribution, qui est effectivement maintenant au cœur de la question de la justiciabilité climatique, là, je dirais qu'il y a deux pans. Il y a le pan des avancées de la science, et ce qu'on appelle la science de l'attribution, qui est donc une branche très spécifique de la science climatique, qui essaye de travailler pour donner de plus en plus d'informations sur le lien entre les événements climatiques extrêmes et le changement climatique, et à son tour entre le changement climatique et les activités de l'homme, pour essayer de créer donc un lien en fait de causalité. Donc là, on a des avancées. Et je dirais que l'autre pan, peut-être un peu plus subjectif, c'est la volonté des juges. C'est donc une question aussi de la part des magistrats qu'ils aient une certaine, je dirais, facilité ou une certaine, finalement, sympathie à écouter des arguments scientifiques pour lesquels ils n'ont peut-être pas été forcément formés, mais il faut peut-être abonder dans ce sens d'essayer de leur donner peut-être une formation pour qu'ils comprennent mieux justement les différents rapports qui sont faits pour les décideurs et qu'eux-mêmes, ils puissent se former une opinion pour pouvoir plus facilement créer ce lien de causalité qui est pour l'instant effectivement un peu le point faible de la juridicité, de la justice climatique. Henri Weichmann. D'une certaine façon, l'accord de Paris, il aide à aller dans ce sens-là, puisque paradoxalement, on peut dire que l'accord de Paris est assez peu contraignant juridiquement, en tout cas sur les engagements des pays, mais il met les pays face à leurs responsabilités, chacun individuellement, sans pouvoir se lancer la balle et dire c'est à l'autre de faire un effort. L'accord de Paris, le cadrage qu'il donne à toute cette discussion climatique, c'est que comme on parle d'aller vers tous globalement zéro émission à l'horizon 2050. La neutralité carbone. La neutralité carbone, tout à fait. Ce qui est un objectif extrêmement, extrêmement ambitieux. Ça veut dire que tous les pays doivent s'y mettre. Ce qui pose d'autres questions sur lesquelles on pourra revenir de comment est-ce qu'on fait pour le faire de façon en coopération, parce qu'il est évident, encore une fois, que les pays différents ont des capacités différentes et qu'il faut qu'il y ait des mécanismes de soutien pour permettre notamment aux pays en développement de mettre en place ces transformations. Mais la question fondamentale, c'est que si un pays important décide de ne pas du tout suivre cette trajectoire, ça devient impossible collectivement de le faire. Et donc, ça renvoie, ça revient avec à la légitimité d'avoir une évaluation du travail qui est fait à l'échelle d'un pays par rapport à une problématique globale. Et d'une certaine façon, c'est la beauté de l'objectif de 1,5 qui simplifie finalement le débat, puisqu'il est tellement ambitieux qu'il demande à tout le monde de s'y mettre tout de suite, maintenant, de façon ambitieuse. On ne peut plus avoir une discussion sur reporter l'effort de chacun, auquel cas on aurait un problème d'interprétation de sur quels critères est-ce qu'on reporte l'effort de tel pays par rapport à tel autre, ce qui a été pendant très longtemps un cadrage difficile pour les discussions climatiques. L'accord de Paris, au contraire, prend une approche complètement différente de mettre les pays face à leurs responsabilités et de proposer leur propre transformation qui permet d'atteindre cet objectif collectif. Parfait. D'autant plus que, par exemple, dans la décision dont on a parlé tantôt, la décision Urgenda, j'en parle parce qu'elle vient quand même d'être rendue il y a quelques jours et elle est tellement riche en enseignements que ça va être vraiment un fil conducteur important pour les années à venir pour tous les pays. Il y a un paragraphe spécifique sur la question de la causalité et de la responsabilité. Et donc, les juges, dans ce sens, ils disent que finalement, il n'est pas tellement nécessaire de créer un lien de causalité qui pourra attribuer une responsabilité à l'État néerlandais, car il est tout à fait déjà établi par les différents rapports scientifiques qu'on est déjà dans cette trajectoire-là et que par conséquent, l'État a une obligation de faire, c'est sa responsabilité de le faire et que de toute manière, comme il n'y a pas de réclamation des dommages et intérêts, donc on ne demande à payer rien, c'est juste une question finalement de faire, c'est une obligation de faire et que donc c'est dans l'obligation de l'État de faire. Donc ça va vraiment effectivement dans ce sens-là de l'accord de Paris. Mais ce qui est intéressant pour redire un mot et puis on va entendre aussi le point de vue d'un avocat qui est spécialiste de la justice environnementale. Mais ce qui est intéressant, Martha Torre-Schaub, dans cette décision de la cour d'appel de La Haye, c'est qu'effectivement l'État néerlandais est condamné à augmenter ses efforts. Mais quels sont les pouvoirs aujourd'hui de la justice, et là on parle de justice nationale, sur un gouvernement qui est par ailleurs amené à changer dans les prochaines années? Comment et quels sont les pouvoir de coercition dont dispose la justice à l'échelle nationale, et on verra qu'ensuite à l'échelle internationale c'est encore évidemment plus complexe que cela. Mais alors si ce que vous entendez par coercition c'est vous faites allusion au droit pénal, la question du changement climatique elle ne relève pas d'un crime ou d'un délit pour l'instant. Bien. En revanche, si on veut toujours rester à l'échelle du droit pénal, mais qui n'est peut-être pas la plus pertinente, je dirais, pour parler assez clairement sur le changement climatique, on est plutôt dans l'obligation de faire de la part de l'État, soit légiférer, soit réguler autrement, soit contrôler mieux les acteurs et donc les entreprises lorsque, par exemple, on délivre une autorisation d'exploitation d'une activité de la part d'une entreprise, eh bien, à l'État de surveiller cela. Donc, on n'est pas dans le pénal, on est plus dans la police environnementale classique, la police administrative classique. Et après, si ce qu'on veut, c'est que les entreprises elles-mêmes, elles suivent les engagements volontaires qui apparaissent également dans l'accord de Paris, puisqu'il y a quand même une grosse partie qui est adressée aux acteurs privés et aux entreprises, là, on se placerait plus sur le droit commercial, le droit civil. Et encore une fois, on n'a pas besoin des codes pénals et de droit pénal, des crimes ou des délits. On a un outillage déjà assez consistant pour cela. Oui, Westman. Ce qui est intéressant, effectivement, pénaliser après coup des États qui n'auraient pas satisfait leurs objectifs, d'une certaine façon, c'est inefficace pour traiter la question du changement climatique. Puisque si on attend 2030 pour voir si tel ou tel État a satisfait son objectif, qu'on se rend compte que c'est pas le cas, on fait quoi? On le pénalise, on le punit. Très bien, le problème climatique est encore plus grave. Donc tout l'enjeu, c'est de travailler en amont et de donner une incitation aux États, notamment. Effectivement, les acteurs non étatiques ont un rôle important et l'accord de Paris instaure ça. Mais les États ont un pouvoir quand même important de donner les directions, de donner le cadre réglementaire, de donner le cadre législatif dans lequel toutes les activités vont évoluer. Et un des messages du rapport du GIEC, c'est un appel à aller regarder pas seulement les trajectoires d'émissions, mais aller regarder les transformations sous-jacentes. D'aller regarder qu'est-ce que ça veut dire finalement de réduire des émissions. La réduction des émissions, c'est uniquement la mise en place d'un certain nombre de transformations sur l'ensemble des activités de l'économie qui touchent notre économie. Transport, bâtiment, industrie, agriculture, tous ces secteurs-là sont associés à des émissions. Et le rapport du GIEC, il est très clair pour dire que atteindre un objectif tel que l'objectif de 1,5 degré demande de considérer des transformations systémiques de grande ampleur. Ce qui est important aussi, c'est de dire que ces transformations systémiques ne sont pas forcément des transformations négatives pour le bien-être des populations. C'est au contraire une façon aussi de reprendre le contrôle sur le type de transformation qui va avoir lieu. Puisque de toute façon, quand on réfléchit à 2050, aujourd'hui on est quasiment en 2020, dans 30 ans, réfléchissons au monde d'il y a 30 ans. Le monde d'il y a 30 ans par rapport au monde d'aujourd'hui est fondamentalement différent. Le monde de 2050 sera fondamentalement différent de celui d'aujourd'hui. Ce dont on est en train de parler avec la discussion climatique, c'est finalement de décider la direction qu'on veut suivre. Et avec ce type de décision, finalement, en tout cas moi la façon dont je l'entends, sans insister sur le côté contraignant, c'est plus un appel. Et d'ailleurs c'est ce que j'ai entendu, la façon dont le gouvernement néerlandais en l'occurrence a réagi, de se saisir de cette question-là comme une opportunité d'aller regarder les opportunités qui sont offertes par la révision de ces contributions pour améliorer pas seulement les émissions, mais aussi les objectifs de développement socio-économique et environnemental. Et c'est ça la justice climatique, c'est réduire les inégalités et c'est lutter contre les injustices créées par le changement climatique et ses effets. Tout à fait. Cocoteller Pollution à 16h35 sur France Culture, puisque c'est ce dont il est question, entre autres, de pollution, mais à l'échelle planétaire. Nous parlons tout au long de cette heure de justice climatique et des moyens que l'on peut se donner pour instaurer, qui sait, un jour peut-être une forme de justice climatique internationale. Nous en parlons avec Martha Torre-Schaub, qui est juriste, directrice de recherche CNRS à l'Institut des sciences juridiques et philosophiques à l'Université Paris 1 et directrice du réseau Droit et Climat, et avec Henri Weissmann, qui est chercheur au sein du programme Climat de l'Institut du Développement Durable et des Relations Internationales, l'IDRI, et co-auteur du tout récent rapport du GIEC que nous avons évoqué en début d'émission. Alors, on a entendu que, en tout cas, il y a dans chaque pays une certaine composante de droit environnemental qui permet de qualifier, qui permet de juger des personnes qui contreviennent. Le droit environnemental est aujourd'hui assez bien circonscrit, mais à l'échelle nationale. Bonjour Céline Lozen. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Vous êtes justement allé à la rencontre d'un avocat qui est spécialiste de l'environnement. Christian Huglot, il est docteur en droit et avocat au cabinet Huglot-Lepage. Il a fondé ce cabinet en 78 avec Corinne Lepage, qui est ancienne ministre de l'Environnement, pour se spécialiser en justice climatique. Et depuis une quarantaine d'années, ils ont mené des grands procès à travers le monde concernant les dommages écologiques, le nucléaire ou bien la pollution des écosystèmes. Alors malgré les dernières nouvelles et le rapport du GIEC, il reste très positif et encourageant pour lui. Le droit environnemental a énormément progressé ces 30 dernières années. Il sera assez facile de faire un code mondial de l'environnement. C'est pas très compliqué. Il faudrait mettre en évidence toutes les lois dans le monde entier. Le professeur Kiss, dans les années 2000, avait déjà dit qu'il y avait 30 000 lois sur la surface de la Terre. Toutes ces lois, d'ailleurs, il faut le savoir, au point de vue concret, sont déjà sur le site du Sénat américain. On peut les chercher. Et vous les mettez dans l'ordre. Et vous les mettez pays par pays. C'est-à-dire, vous mettez grande partie protection de la nature et l'autre partie, c'est lutte contre les pollutions. Et vous les mettez de façon comparée les unes à côté des autres. Vous verrez qu'il y a une unanimité. Je me suis beaucoup promené déjà, j'ai regardé le droit en Afrique, en Asie, aux États-Unis, et on s'aperçoit qu'il y a l'instrument de défense de l'environnement qui est arrivé quand même en 30 ans. C'est peu de choses, c'est une révolution. Le droit de l'environnement a explosé de façon fulgurante pour monter jusqu'au droit fondamental. Est-ce qu'on peut vraiment accuser aujourd'hui quelqu'un, une personne morale ou physique, pour une affaire climatique ou environnementale ? Là, il faut faire une double réponse. D'abord, est-ce que l'arsenal juridique est suffisant pour dissuader ? Bon, il y a eu des progrès incontestables, grands progrès incontestables en matière d'environnement. C'est la généralisation prévue par le Code pénal de 1994, puis après ça d'une autre loi par la suite, qui a décidé que le délit pénal ne serait pas simplement reproché aux personnes physiques qui dirigent une entreprise, mais à la personne morale elle-même. C'est fondamental. Cette réforme, d'ailleurs, est issue de ce que nous avions obtenu aux États-Unis dans l'affaire de la Mococadis, puisque nous avons fait condamner la maison mère pour les filiales. C'est très important. La prévention, un cadre législatif, d'accord, mais au niveau de l'impunité, est-ce qu'aujourd'hui c'est la fin de l'impunité ? Est-ce qu'il y a des peines réelles pour ce genre d'affaires ? Non, il n'y a pas d'incrimination mondiale. À faire chercher à dire il faudrait une loi pour punir celui qui va faire du mal au climat, le vrai sujet, c'est d'inciter les gens à prévenir. La Cour internationale de justice de La Haye, qui dépend du traité de Rome, est attentive à la question environnementale, mais vous n'avez pas de juridiction internationale compétente sur toutes les affaires d'environnement, comme l'est par exemple en Europe la Cour européenne des droits de l'homme. Vous parliez des juges, est-ce que vous avez le sentiment qu'ils sont de mieux en mieux formés au fil des expériences et des procès qu'il y a pu avoir en cours ces dernières années ? Le progrès de l'environnement est toujours venu des juges, n'est-ce pas ? L'État est toujours en retard, faut le comprendre. Pourquoi ? Parce que les juges sont saisis par la société civile. C'est la société civile qui a la sensibilité. Alors ce qui est délicat dans ces grands procès, c'est qu'il faut beaucoup de moyens financiers et beaucoup d'expertise. Les associations ne peuvent pas toutes seules faire bousculer les choses, mais quand elles s'allient avec les grandes collectivités publiques, le monde peut changer. Vous avez par exemple en Californie, il y a l'État de Californie qui agit en tant qu'État membre de l'État fédéral, mais avec 80 villes qui attaquent Chevron, la société Chevron, et qui effectivement est parfaitement capable de renverser la situation. Vous comprenez, quand vous avez une telle manifestation de la population civile, si j'ose dire, des grandes collectivités publiques, le juge voit bien où se trouve l'intérêt général. Et donc, on sait qu'on a un matériau juridique qu'on a quelque chose d'absolument exceptionnel. Je vais vous dire quelque chose qui ne se sait pas, qui ne se dit pas suffisamment assez. Vous avez 191 États, il y en a 145 qui ont une constitution qui dit qu'il faut respecter l'environnement. Et la constitution, c'est la règle la plus haute. Est-ce que le monde n'a pas changé au point de vue juridique depuis cette époque-là? Et on voit très bien d'ailleurs que tous les procès climatiques qui sont faits, lorsqu'il y a une constitution qui prévoit l'environnement, c'est fondé sur le droit constitutionnel. Donc, qu'est-ce que c'est que le droit constitutionnel? C'est le droit le plus haut dans la hiérarchie des ce qu'on appelle des normes. Il n'y a pas de droit qui subsumerait le droit constitutionnel. Qui serait au-dessus. Non, mais si, d'une certaine façon, c'est ce que disent des juges américains. Ils disent, en fin de compte, tout ça, c'est du bon sens, c'est du droit naturel. Hein, c'est-à-dire d'établir le minimum de rapport entre l'homme et la nature et le respect minimal. Je vais terminer sur une chose. Il y a un projet dans la Constitution qui veut qu'on mette le climat dans la Constitution. Je vais vous dire quelque chose, ça existe déjà dans la Charte, d'accord ? Moi, je pense que là, on fait un peu de l'incantation. Mais par contre, quand vous regardez le Code de l'environnement, vous avez un article qui n'est pas bien fait, qui s'appelle l'article 229.1, qui dit que, à peu près ceci, que le gouvernement est très soucieux de l'environnement. Ce n'est pas une règle de droit, c'est un programme. Si on voulait effectivement tirer les conséquences chez nous de ce que devrait être le véritable droit du climat, on commencerait par changer cet article-là. C'est ce que j'ai demandé dans les dépositions que j'ai faites à l'Assemblée nationale sur ce sujet-là. Je pense qu'il faudrait... On a les grands principes constitutionnels, mais en France, on devrait descendre au niveau législatif et puis affiner. Et puis après ça, on pourra peut-être arriver à une convention internationale qui sera tout à fait constructive. Donc c'est simplement du temps, de la patience et de la détermination. Voilà le point de vue de Christian Huglot sur ces questions de justice climatique et environnementale. Votre réaction à Martha Torre-Chaube ? Je suis assez d'accord avec ce que Maître Huglot dit. Il le sait d'ailleurs. Mais peut-être qu'on peut un petit peu continuer sur un certain nombre des questions qu'il a ouvertes. Alors par rapport, qui font écho un petit peu à votre interrogation à la base, qui est celle de... Est-ce qu'on peut avoir une justice au niveau international pour ces questions environnementales et ces questions climatiques? Alors, pour les questions environnementales, c'est vrai qu'il n'y a pas forcément, pour l'instant, une cour qui aurait entendu beaucoup d'affaires environnementales au niveau international, mais on a ce qu'on appelle les cours régionales et notamment les cours régionales des droits de l'homme, et Maître Huglot en a un petit peu parlé, et c'est notamment la CEDH au niveau européen. Cour européenne des droits de l'homme. Pardon, je parlais jamais. Non, mais je suis là pour ça. Et la Cour interaméricaine, en fait, des droits de l'homme, qui est probablement encore plus avancée, et il y a eu des affaires, en fait, climatiques, fondée sur la violation du droit à la vie, du droit à la propriété, du droit à exercer une activité commerciale, etc. Fondée sur donc cette violation qui serait des violations d'un droit de l'homme et dont le changement climatique accentuerait en fait c'est la violation de ces droits-là. Donc par ce biais-là, ce sont des cours qui sont entre international et national, qui sont donc régionales. Et par ce biais-là, il y a quand même des choses intéressantes. Et dans l'arrêt Urgenda aux Pays-Bas de la semaine dernière, il y a une énorme partie développée par les juges dans leurs décisions qui ouvre également cette fenêtre, mais qui, je pense, deviendra une porte en réalité, à la violation de l'article 2 et l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, qui sont le droit à la vie et le droit à la vie privée, à la vie familiale, et qui serait donc violé par le fait que l'État n'accomplirait pas son devoir des diligence envers les citoyens, son duty of care, et donc ça violerait ses droits de l'homme-là. Mmh. Et ça ouvre la porte quand même à d'autres procès dans le futur. Mais alors, juste un mot à propos de la Cour européenne des droits de l'homme. On sait que la France est condamnée sur une base régulière dans un certain nombre de dossiers. On peut penser par exemple aux droits des prisonniers pour traitement inhumain et dégradant, etc. Ça ne change strictement rien au droit national et à l'application codification d'un certain nombre de droits. Je pense vraiment, parce que c'est le premier exemple qui me vient à la tête, mais enfin, en fait, je vais revenir, vous allez me prendre, vous prendre pour un espèce de type qui veut taper sur les voies de tout le monde avec sa matraque, mais en fait, il n'y a pas de, il n'y a pas de coercition, donc finalement, il n'y a pas d'effet de ces décisions de la CEDH. Il devrait y en avoir quand même, en théorie, l'État est contraint, et même parfois condamné, à faire, ce sont ce qu'on appelle des obligations positive. Et dans la CEDH, donc la Convention européenne des droits de l'homme, la Cour, elle se fonde sur ces obligations qui sont positives. Donc ce sont des obligations de faire. Reste à discuter s'il s'agit des obligations des moyens ou des obligations des résultats. Dans la plupart des cas, il s'agit quand même d'obligations des résultats, ce qui implique que l'État soit obligé à suivre en fait la prescription de la Cour. Henri Weissmann. On est au cœur de la question, quel est le rôle du droit dans tout ce débat sur le climat? Parce qu'au final, le but, c'est pas de taper sur des gens avec des matraques. Je veux surtout taper sur personne, c'est de trouver des voies. Seulement si c'est un moyen d'atteindre l'objectif. Et en fait, dans cette question climatique en particulier, et pour citer ce qui a été dit dans l'intervention précédente, l'objectif, c'est pas de punir, mais c'est d'inciter à prévenir. Et je pense que le rôle du droit, c'est essentiellement ça, et c'est exactement ce qu'on peut voir avec cette décision Urtanda 2, qui est finalement une incitation pour le gouvernement, néerlandais en l'occurrence, à réviser, à aller revoir sa copie, mais au bon sens du terme, et finalement à mieux comprendre quelles sont les choses qui pourraient être mobilisées pour faire mieux. Parce que quand on regarde en détail, finalement, on se rend compte que réduire les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est quand même de ça qu'on parle, et réduire les impacts du changement climatique associé, ça ouvre énormément d'opportunités. C'est seulement quand on ne va pas regarder en détail aux moyens qu'on peut mettre en place pour le faire, qu'on voit ça uniquement comme une contrainte. Donc d'une certaine façon, la matraque, en l'occurrence, c'est uniquement une matraque qui doit guider les gouvernements et les inciter à aller réviser leur copie. C'est exactement le cadrage de l'accord de Paris, pour lequel l'obligation formelle, c'est de réviser les contributions. Oui. C'est pas d'atteindre un résultat donné. Ouais. Alors, j'entends bien, je vais finalement garder ce costume de méchant flic jusqu'à la fin de cette heure, parce que le dernier rapport du GIEC, Henri Weissmann, il est tout de même, il se veut justement un peu plus alarmiste pour secouer un peu plus fortement, un peu plus vertement les consciences. On voit qu'une fois de plus, les États-Unis se sont retirés des accords de Paris ou veulent le renégocier. Pendant ce temps-là, il y a des articles qui sortent pour montrer que la Chine est en train de revivre une seconde révolution du charbon, est en train de faire pousser des centrales à charbon partout sur son territoire, et que est-ce qu'on peut vraiment obtenir cet encouragement, cet accompagnement vers des réformes sans employer la manière forte, sans à un moment donné que les États se sentent menacés par des ONG, par des associations qui puissent se saisir d'une juridiction internationale pour contraindre fortement les États à intervenir de façon législative ou de façon coercitive sur leurs propres entreprises, sur leur propre territoire, pour empêcher ce type d'événement de se produire? Ça, c'est certainement une partie de l'équation, mais c'est pas l'alpha et l'oméga de l'histoire. Et le changement dont on est en train de parler, avec un objectif aussi ambitieux que l'objectif climatique qu'on se donne collectivement, c'est un objectif qui ne sera mis en œuvre que s'il est instruit de façon positive, s'il est instruit par les États. Donc peut-être qu'il peut y avoir besoin d'un aiguillon, et c'est exactement l'exemple de cette décision aux Pays-Bas, qui est finalement un aiguillon pour forcer les gouvernements à aller se poser cette question-là. Mais vous parliez de la Chine. La Chine est aussi en train de mettre en place tout un ensemble de mesures. Donc oui, il y a des développements d'usines au charbon, certes, mais il y a aussi beaucoup de réflexions dans la planification, puisque la Chine est assez bonne pour planifier, et une compréhension que le type de modèle de développement économique que la Chine a suivi sur ces 15-20 dernières années, extrêmement intensive en énergie, et donc notamment en pollution, alors en l'occurrence en pollution locale, pour quiconque est allé dans une ville chinoise, on voit bien qu'il y a des effets très visibles, et peut-être que la pollution locale, qui n'est pas la même chose que le changement climatique, mais qui a des racines communes, le charbon en l'occurrence, qui est à la fois responsable des polluants locaux et du changement climatique, c'est un aiguillon, et les instances chinoises ont compris que pour satisfaire leurs objectifs de développement sociaux et économiques, il allait falloir inventer un nouveau modèle de développement. La façon, c'est le défi, c'est de trouver le chemin pour le faire. Et il y a des défis dans la transition, et le fait d'avoir ce type d'aiguillon peut permettre d'accélérer le mouvement, mais le problème ne sera pas résolu uniquement à coup de décisions de justice. Il sera résolu si les décisions de justice permettent d'instiller un processus politique qui permet de les traduire dans des actes concrets. Absolument. Je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, c'est ce que un peu ce que j'appelle les vertus en fait de ce genre de décisions, c'est-à-dire qu'elles incitent à faire davantage. Par exemple, la décision Urgenda 1 de 2015, elle avait eu comme vertu que le fait que le gouvernement néerlandais fasse une loi sur le changement climatique, loi qui est dans les cartons. Peut-être qu'ils la faisaient aussi dans l'espoir de pas être condamnés, mais ils ont quand même été, ils ont quand même subi une décision défavorable de la part de la Cour. Mais n'empêche que il y a eu ce cercle vertueux des décisions, actions, décisions, actions. Pour revenir à l'histoire de, on peut faire des choses qui soient pas forcément punitives et basées sur le droit pénal. Il y a quand même plusieurs instruments dans le droit français qui peuvent aider à cette action, en fait, à cette incitation, et qui passe surtout par la question financière dont on a parlé tout à l'heure. Alors, un premier instrument, c'est l'article sur la nouvelle loi qui instaure un devoir de vigilance pour les entreprises transnationales qui doivent désormais montrer patte blanche et montrer que leurs agissements ne vont pas contre les droits de l'homme ou l'environnement. Et un deuxième instrument, donc ça sera très intéressant en fait pour les entreprises françaises qui ont des filiales à l'étranger, qui ont des activités dans des pays tiers, hein, parce qu'il faudra qu'elles montrent que leurs activités ne sont pas contraires en fait à la protection de l'environnement, dont effectivement le changement climatique. Deuxième instrument qui n'est pas du tout par la punition en France, c'est l'article 173 de la loi sur la transition énergétique. Et donc, qui va dans ce sens dont parlait Henri Weissmann tout à l'heure, de s'engager dans la transition, de trouver d'autres modes. Et cet article-là, avec un décret d'application, impose l'obligation aux entreprises de montrer dans leur reporting extra-financier, mais ça va aller dans le sens de reporting financier aussi, il me semble, de plus en plus, montrer qu'ils ont une attitude en fait climato-friendly, c'est-à-dire qu'ils incluent leur bilan carbone, non seulement en termes des quantités, mais également en termes en fait d'activité en général. Ça veut dire que vous n'êtes ni l'un ni l'autre favorable à l'augmentation du champ de compétences d'institutions juridiques internationales comme la CPI ou comme la Cour internationale de justice en lui adjoignant une compétence universelle de poursuite d'un État pour crime contre l'environnement, pour éco-crime ou écocide. Vous pensez que ça ne serait pas utile, ça ne serait pas productif? Oh si, je pense que ça serait utile, c'est pas du tout incompatible. Mais en attendant, je pense que c'est important de souligner qu'on a déjà un certain nombre d'instruments et des possibilités qui sont tout à fait utiles. Et s'ils sont bien utilisés, avec un petit peu de bonne volonté, on peut déjà faire beaucoup de choses. Oui, Weissmann. Ce serait utile si ça permet d'augmenter cette incitation à prévenir. C'est ça le rôle de ces instances. Est-ce qu'on a besoin d'une instance internationale? Peut-être, mais à condition qu'elle s'inscrive dans cette dynamique d'augmenter l'incitation pour les différents acteurs, les États, les entreprises, à justement se saisir du sujet en amont et de pas attendre d'être puni. Parce que si on attend d'être puni, c'est trop tard. Le train est passé et la transition climatique, on l'aura raté. Et ces points que vous avez soulevés, je pense qu'ils sont fondamentaux sur cette question de comprendre le contenu des transformations, comprendre au-delà du simple chiffre des émissions, qui est évidemment le chiffre que tout le monde va retenir parce que c'est le résultat, mais d'être capable d'avoir une compréhension de tous les mécanismes sous-jacents. C'est tous ces débats-là qui vont avoir lieu, notamment à la conférence sur le climat, donc la conférence annuelle qui se tient en Pologne cette année. En décembre à Katowice. Et un des sujets importants, qui peut paraître obscur comme ça pour les gens extérieurs à la négociation climat, c'est une discussion sur la transparence. Qu'est-ce que ça veut dire la transparence? Absolument. C'est justement se mettre d'accord sur quelles sont les informations qu'on va demander aux États de rapporter, d'informer sur les autres. Absolument. Parce que le processus de Paris est un processus dans lequel justement s'il se passe bien, dans l'esprit de l'accord de Paris, on a un échange d'informations où on peut voir quels sont les types de transformations qui nous permettent d'aller dans la bonne direction et quelles sont celles qui ne vont pas dans la bonne direction pour être capable de s'en saisir en amont et de détecter, pas d'attendre que ce soit trop tard, mais de détecter les tendances qui ne sont pas forcément les plus adaptées pour aller vers la transition qu'on veut et être capable d'influer sur ces transitions tant qu'il est encore temps. Donc cette question de la transparence et du contenu de la transformation, au-delà du chiffre d'émission qui est évidemment le résultat de tout ce processus-là, est fondamentale si on veut pouvoir instruire cette question-là, y compris du point de vue juridique, de sorte à permettre d'aller vers le résultat final qui est une société qui satisfait les objectifs ambitieux climatiques et donc qui est plus juste. Je suis tout à fait d'accord, d'autant plus que il y a un certain nombre d'initiatives venant du monde de la finance ces dernières années. La task board sur le comptage carbone et d'autres initiatives qui viennent, certaines de la Banque mondiale et d'autres des ONG. Et qui aboutissent à des rapports qui finalement convergent sur la nécessité d'instaurer de la transparence dans ce qu'ils appellent les disclosures, c'est-à-dire le rendu public des informations concernant le comportement à la fois financier et extra-financier des entreprises et des institutions des financements pour montrer que ils font le nécessaire pour lutter en fait contre le changement climatique. Donc toutes ces initiatives qui tendent à ce que l'information soit rendue publique, donc à la transparence, ça s'inscrit à la fois dans le cadre de l'accord de Paris et dans une sorte de nouvelle tournure que le monde de la finance et de l'investissement essaye de montrer. Est-ce que alors je vais changer d'échelle, est-ce que à l'inverse vous pensez que il faut peut-être laisser plus de place dans les juridictions nationales à des actions type Urgenda pour laisser la possibilité à des associations, à des ONG, à des groupements de citoyens d'aller gratter un peu à la porte juridique pour forcer leurs États, pour forcer leurs gouvernements à prendre des engagements plus forts sur le plan climatique ou environnemental. Alors, je vais vous dire quelque chose de paradoxal puisque je suis juriste. Pour moi, le procès, un contentieux, c'est la partie un peu pathologique en fait du droit, n'est-ce pas ? Donc, je suis pas du tout contre le fait qu'il y ait des actions en justice. Au contraire, c'est quand même exercer le droit d'accès à la justice. Ça fait partie des notre démocratie. Mais en arriver là, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas en amont. Donc, ça serait plus souhaitable qu'il y ait des actions tout de suite de la part de l'État et d'autres institutions qui ont le pouvoir des décisions pour éviter justement ce genre de procès. Voilà mon avis. Je suis tout à fait d'accord. L'essentiel, c'est que la société, dans son ensemble, toutes les composantes de la société se saisissent du sujet. Parce que ce n'est pas un sujet uniquement du gouvernement. Le changement dont on est en train de parler, c'est un changement qui concerne tout le monde. Si le fait qu'il existe des juridictions nationales, internationales, peu importe, est une bonne incitation pour que les gens puissent se saisir de cette question-là et que l'État puisse les entendre, très bien, et ça doit faire partie, effectivement, en espérant qu'on n'a pas besoin d'arriver à des jugements en contentieux, mais que le simple fait que ces juridictions existent incite à mieux entendre ces voix-là. Et incite les États à se saisir des instruments qui existent. Déjà, en France, on a un processus de stratégie nationale bas carbone dans lequel l'État français définit sa stratégie et qu'il révise progressivement avec des leçons apprises de ce qui pourrait être mieux fait, ce qui pourrait être amélioré. Et tout l'enjeu, c'est de se demander quelles sont les conditions à remplir pour permettre que la stratégie nationale bas carbone qui est soumise cette année, puisque ça va être le cas vers la fin de l'année, finalement puisse être révisée de façon encore plus ambitieuse d'ici 3 ou 4 ans pour la prochaine occasion. Et puis, on en reparlera et on aura l'occasion d'en reparler à plusieurs occasions, d'ailleurs très prochainement, puisque, comme vous le notiez tout à l'heure, la COP24 aura lieu à Katowice au mois de décembre en Pologne. On vous en reparlera, bien sûr, dans la méthode scientifique. Merci beaucoup à tous les deux d'être venus nous parler de cette justice environnementale et climatique. Merci Martha Torre-Chaube, merci Henri Weissmann, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique. Céline Lozen, Eve Etienne, Antoine Beauchamp, Noémie Naguet de Saint-Vulfranc, Tob Humdenstock, Olivier Bétard à la réalisation, Alice Seyed à la technique. Dans le prochain épisode de la méthode scientifique, nous resterons dans le domaine de l'environnement pour évoquer l'insatiable gourmandise de nos outils numériques en énergie et de la facture qui s'ensuit. On en parle demain à 16h jusqu'à preuve du contraire.